J'ai toujours la tête en bas, le sang qui monte au cerveau. Je sais pas compter quand c'est toi. Laisse-moi t'aimer à nouveau. Je sais que je suis déjà dans le mal, mais resserre-moi le verre de trop. Si ton prochain c'est pas moi, je devrais faire la guerre aux autres. J'ai toujours la tête en bas, le sang qui monte au cerveau. C'est solo sans me dire pourquoi t'es parti. Pour te faire revenir, j'ai tout tenté. Impossible de te laisser t'enfuir, même si c'est nocif. Tu es nuisible à ma santé. J'ai toujours la tête en bas, le sang qui monte au cerveau. Pardonne-moi, je ne suis qu'un homme. Je suis dans le dati dati. Je suis dans le dati dati love. J'ai toujours la tête en bas, le sang qui monte au cerveau. Je sais pas compter quand c'est toi. Laisse-moi t'aimer à nouveau. Je sais que je suis déjà dans le mal, mais resserre-moi le verre de trop. Si ton prochain c'est pas moi, je devrais faire la guerre aux autres. J'ai toujours la tête en bas, le sang qui monte au cerveau. Arrière possible, t'as créé quelque chose de mauvais. Je suis devenu presque insensible. T'as créé quelque chose de mauvais. La fin d'un récit, t'as créé quelque chose de mauvais. Oh.